De retour à Futur Sim sur CKRL 89.1 avec Samuel Lauzon au microphone. Il y a quelques semaines, nos plus fidèles auditeurs se rappelleront peut-être, nous avons fait notre club de lecture annuel. Et à la toute fin de l'émission, là, Valérie, Marianne et moi-même, nous avons listé les dossiers chauds que nous allions regarder là, cette année. Valérie, tu nous avais parlé, ça t'intéressait particulièrement le développement dans le domaine de l'hydrogène naturel. Mais c'est quoi au juste l'hydrogène naturel? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? Absolument. En fait, j'ai découvert ça cet été et depuis, ça m'intrigue un petit peu. Donc, on sait l'engouement hein, pour l'hydrogène comme source d'énergie parce que sa combustion n'émet que de l'eau, donc pas de GES. Mais jusqu'à présent, l'hydrogène, il faut le synthétiser. Alors, traditionnellement, on le produit à partir de combustibles fossiles, ce qui efface les avantages environnementaux de l'hydrogène. Mmh. Et on peut aussi le produire par électrolyse de l'eau, puisque l'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc ouais, par H2O. Voilà, exactement. H2O le dit bien. Donc, par électrolyse, on casse la molécule d'eau, on récupère de l'hydrogène et de l'oxygène. Et pour faire l'hydrogène, pour faire l'électrolyse, il faut de l'électricité. Donc, si c'est de l'électricité produite par une centrale au charbon, ce n'est pas très, très intéressant. Au Québec, on a l'avantage d'avoir de l'hydroélectricité, ce qui permettrait de produire un hydrogène propre. Mais c'est quand même beaucoup plus cher que de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures. Mais voilà qu'arrive dans le décor de l'hydrogène naturel, de l'hydrogène qui existe sous terre et qu'il suffirait de puiser. OK, oui, ça pique ma curiosité. Souvent, si on regarde sur à l'épicerie, là, tout ce qui est naturel, c'est jamais très bon, mais ça pique ma curiosité. Mais comment ils ont découvert ça, là, cette hydrogène? Oui, c'est une histoire assez curieuse aussi. Donc, l'histoire commence au Mali, à Bourakebougou. C'est une découverte fortuite qui a été faite lors du forage d'un puits pour trouver de l'eau. On cherchait de l'eau. Donc, les travailleurs creusent le sol à la recherche de l'eau et ils sentent un vent qui remonte du puits. Et il se trouve que l'une des personnes près du feu fumait. Et ça a fait une explosion. Oh, OK. Donc là, le puits s'est enflammé. C'était en 1987. Alors, le puits, tant bien que mal, a été recouvert, fermé. On a un petit peu oublié, pas pour tout le monde. Okay. Mais dans les années 2010, il y a un homme d'affaires malien qui s'est associé avec l'entreprise Chapman Petroleum Engineering, qui, entre autres, est une entreprise canadienne. Okay. Donc, ils sont associés pour savoir ce qui sortait du puits. Et là, ils ont découvert que c'est de l'hydrogène pur à 98%. Oh, quand même! Hein? Voilà pourquoi la cigarette avait produit cette explosion. Donc, depuis 2012, en fait, ce gisement est exploité par Hydroma, qui produit de l'électricité à partir de cet hydrogène pour alimenter la population locale en électricité. Alors, en fait, y a eu des scientifiques qui ont travaillé, qui ont étudié qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y a de l'hydrogène qui sort là. Il y a une publication, une étude qui a été publiée dans une revue savante. Et ça a été un peu l'élément déclencheur, parce que ailleurs dans le monde, d'autres géologues avaient déjà repéré des suintements, mais on n'y prêtait pas vraiment attention. Et c'est vraiment cet article de 2018 qui a mis, on peut dire, l'hydrogène naturel sur la map. Donc l'existence de gisements d'hydrogène dans le sous-sol devenait une réalité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a certains chercheurs qui font un parallèle avec la découverte du pétrole, parce que jusqu'au 19e siècle, on voyait bien des fuites de pétrole en surface, mais il n'y avait rien d'exploitable. On ne connaissait pas les gisements ou tout ça. Okay. C'était juste des petites nappes là, qui faisaient bloup bloup bloup en surface. Jusqu'au jour, en 1859, où Edwin Drake a fait un forage en Pennsylvanie et a découvert donc, là, un puits de pétrole. Donc, okay, là, et ça a marqué le début de la ruée vers le pétrole. Alors, il y a un parallèle un petit peu. C'est un peu similaire parce qu'on observait ces suintements d'hydrogène, mais on n'en faisait pas trop de cas jusqu'à cette histoire au Mali. Okay, alors, ce papier-là. Oui, exactement. Okay. Jusqu'à ce qu'il y ait un article scientifique qui détaille effectivement cette histoire au Mali. Alors, le parallèle est un peu optimiste parce que pour le moment, on en connaît trop peu sur la formation d'hydrogène dans le sous-sol et sur les conditions de stockage. Mais c'est quand même vraiment étrange, là, avec tous les forages pétroliers, gaziers, toutes les mines partout sur Terre. On découvre seulement maintenant l'hydrogène naturel dans nos sols. Ouais, on se demande comment on est passé à côté. Bah, faut dire que l'hydrogène, c'est un gaz incolore et inodore, bon, mm-hmm. à moins d'avoir une flamme ou une cigarette à côté. Mais donc, sinon, il passe inaperçu. Une autre raison, c'est qu'on ne pensait pas que l'hydrogène puisse se passer dans le sous-sol et que s'il s'en forme, bah, l'hydrogène est tellement léger et petit qu'il se faufilerait par les interstices dans les entrailles de la Terre, il se faufilerait à la surface et puis bah, il s'échapperait dans l'atmosphère. Parce qu'il faut, quand même se représenter que l'hydrogène, c'est l'atome le plus petit. Et le gaz hydrogène, il n'est formé que de deux atomes hydrogène, donc c'est très léger. Donc c'est pas facile d'imaginer qu'il puisse être bloqué quelque part dans une formation géologique. On a plutôt tendance à penser qu'il va se faufiler dans des failles quelque part et qu'il va s'échapper. Une autre raison aussi pourquoi on ne le trouvait pas, c'est qu'on ne le cherchait pas. Donc, et il faut des détecteurs spéciaux pour le détecter. Ensuite aussi, il s'avère que l'hydrogène ne se forme pas dans les mêmes conditions que les hydrocarbures. Les hydrocarbures se sont formés dans les roches sédimentaires et l'hydrogène serait très rare dans les roches sédimentaires. Donc tout ce qui est puits pétroliers, gaziers, on ne le voyait pas forcément, surtout si on n'avait pas les détecteurs pour le chercher et qu'on ne le cherchait pas. Donc on pouvait difficilement le trouver par inadvertance finalement dans un gisement de pétrole ou de gaz. OK, mais justement, est-ce qu'on sait un peu... On sait un peu plus comment ça se forme l'hydrogène, là, parce que là, tu me dis c'est loin du phénomène du pétrole. Est-ce qu'on sait un peu plus? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Alors, le processus qui est mis de l'avant, ce serait une réaction de l'eau avec des roches riches en fer et à des températures et des pressions très élevées, donc très en profondeur dans le sol pour avoir ces températures et ces pressions élevées. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'eau, le fer de la roche, il s'oxyde, autrement dit, il rouille. Ce faisant, il capte les atomes d'oxygène de l'eau et il libère l'hydrogène. Donc, on sait que ce processus existe sous les océans au niveau de la dorsale atlantique. On l'a repéré aussi en Islande, là où la dorsale émerge à l'extérieur. Donc, sur les continents. Mais les scientifiques pensent que même sur les continents, certaines roches en fer, si elles sont suffisamment profondes pour être à la température et à la pression élevée, et si de l'eau s'infiltre jusqu'à ces roches... Ça fait beaucoup de si, là. Ouais, ça fait plusieurs si. Eh bien, les conditions seraient réunies pour former de l'hydrogène. Il y a une autre hypothèse aussi pour expliquer la formation d'hydrogène sous terre, ce serait la radiolyse de l'eau par des éléments radioactifs. Donc, il y a quand même la radioactivité en profondeur. S'il y a des éléments radioactifs, ça pourrait radioliser, séparer finalement l'hydrogène et l'oxygène de la molécule d'eau. Alors l'intérêt en fait avec ces processus, c'est que c'est des réactions qui se produisent en permanence. Donc ils se forment toujours de l'hydrogène. Qu'avec les hydrocarbures, hydrocarbures sont formés il y a des millions, millions d'années. Oui, c'est des dinosaures. C'est les dinosaures qui ont formé les hydrocarbures. On vient d'apprendre quelque chose. En tout cas, les hydrocarbures se sont formés il y a très très longtemps dans des conditions particulières. Et ces conditions ne sont plus réunies sur Terre aujourd'hui pour qu'il se forme encore des hydrocarbures. Donc on est dans un contexte assez différent avec la formation d'hydrogène. Par contre, même si l'hydrogène se forme continuellement, on ne sait pas à quel rythme. On ne sait pas non plus... c'est cet hydrogène qui se forme, est-ce qu'il reste là où il est? Est-ce qu'il migre? Dans quelles circonstances il migre dans la croûte terrestre? On ne sait pas dans quelles conditions. Éventuellement, il est bloqué dans une formation géologique étanche, mais on ne sait pas où, donc il y a quand même pas mal d'inconnus. Oui, il y a beaucoup de si, beaucoup d'inconnus. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres gisements dans le monde? Alors, on connaît, comme je le disais, on connaît des endroits où il y a des fuites d'hydrogène. On les trouve en particulier dans des structures un peu étranges qu'on appelle des cercles de fées. C'est des cercles à la surface du sol qui sont légèrement affaissés, un peu comme des cuvettes. Et l'hypothèse, c'est que l'hydrogène qui remonte vers la surface, ça dissout les minéraux. Donc, la roche se fragilise en dessous du sol et c'est ce qui provoque l'affaissement. Et en plus d'être creux, la végétation ne pousse pas bien dans ces cercles de feu, un peu comme si finalement ces suintements d'hydrogène n'étaient pas propices à la croissance des plantes. Alors on trouve ces cercles en Australie, C'est des cercles assez grands, hein. C'est quand même plusieurs centaines Des cercles de fées. Ouais, cercles de fées. Ok. Exactement. Donc on les trouve en Australie, en Namibie, au Brésil. Il y en a aussi aux États-Unis. C'est assez curieux à voir, hein. On peut trouver des images sur Internet si on tape cercle de fées hydrogène. Mm-hmm. Faut vraiment mettre hydrogène à côté, sinon il tape parce que sinon il est rond de sorcier avec les champignons. Il y a toutes sortes de choses. Oui. Donc faut vraiment mettre cercle de fées hydrogène. Et on peut voir ces cercles de fées en Australie, au Brésil, aux États-Unis. Autre trace aussi d'hydrogène plus proche de chez nous, au Canada, il y a une géochimiste de l'Université de Toronto qui a analysé les gaz présents dans certaines mines du Canada et qui a trouvé là aussi la présence d'hydrogène dans certaines mines. Et puis, l'été dernier, l'hydrogène naturel a fait un grand bruit dans les médias en France parce qu'un gisement a été découvert en Lorraine, dans l'est de la France. Alors là aussi, c'est une découverte fortuite parce que ce que les scientifiques cherchaient, c'était du méthane. Okay. Bon, là, on est dans le contexte de la France. Il y a un problème d'approvisionnement en gaz, contexte européen. En fait, il y a un problème d'approvisionnement en gaz. On cherche du gaz local, on cherche du méthane. Et ils ont trouvé du méthane, mais ils ont trouvé aussi de l'hydrogène. Okay. C'est un peu curieux parce que j'ai dit plus tôt qu'on trouve que généralement l'hydrogène ne se forme pas dans les gisements d'hydrocarbures. Donc c'est un petit peu curieux, mais il semble qu'il y ait quand même ils associent ça en fait à une présence de roches ferreuses aussi dans le sous-sol. Donc ils se sont aperçus que la concentration en hydrogène augmente avec la profondeur. Elle est de 20% à 250 mètres de profondeur, donc c'est pas tant que ça, 20%, mais il y en a quand même. Et par modélisation, ils estiment que la concentration serait de 90% à 3000 mètres de profondeur. Ok, même c'est 3 km. Ouais, c'est ça, c'est quand même 3 km. Donc là, les Français se sont beaucoup emballés avec cette découverte. Mm-hmm. Mais en même temps, moi, ce que je trouve, c'est que ça montre bien toutes les inconnues qu'il y a encore avant de pouvoir exploiter une éventuelle. Exploiter de façon commerciale un éventuel hydrogène naturel. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a de l'hydrogène à cet endroit alors qu'on ne l'attendait pas? Est-ce qu'il y en a vraiment une concentration de 90% comme les modèles le disent? En quelle quantité? Et ensuite, il faut aller le chercher. Oui, c'est ça. Il faut le ramener et tout et tout. Ouais. Mais de prime abord, comme tu dis, ça a l'air quand même intéressant. Mais est-ce que les industriels là, se sont lancés dans l'exploration? Est-ce qu'il y a une sorte de ruée vers l'or, mais ruée vers l'hydrogène? Il y a des prémices quand même. Il y a quand même des gens qui s'intéressent à ça. Alors, c'est pas toujours évident parce que selon les pays, le droit minier ne prévoit tout simplement pas l'exploration pour l'hydrogène. Donc, si on va avoir un claim minier pour l'hydrogène, ça n'existe pas, dans le droit minier. Donc, il faut adapter le droit minier. L'Australie l'a fait. Donc, le CSIRO, qui est un organisme de recherche gouvernemental en Australie, a un programme de recherche de l'hydrogène dans les fameux cercles de fées. Mais il y a aussi des entreprises qui se lancent dans la course à l'hydrogène, comme Gold Hydrogen en Australie. En France, la découverte a été faite par des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique et le programme se poursuit. À côté de ces études scientifiques, il y a des entreprises qui se lancent dans la recherche d'hydrogène. Aux États-Unis, il y a Natural Hydrogen Energy. Il y a aussi Terre, je ne sais pas comment on prononce. Terre est écrit T-E-2-R-E, comme la Terre. Donc je ne sais pas comment les Anglais prononcent ça. Mais en tout cas, des entreprises américaines qui cherchent de l'hydrogène au Nebraska et au Kansas. En Espagne, il y a aussi Helios Aragon. Et ça, c'est une entreprise qui mise sur la présence d'hydrogène sur le versant sud des Pyrénées. Et c'est intéressant parce que les Français ont aussi découvert des fuites d'hydrogène sur le versant nord des Pyrénées. Il semble se passer quelque chose dans les Pyrénées. Du côté des Pyrénées. Au Royaume-Uni, il y a H2AU. Donc, je ne sais pas comment les Anglais prononcent ça. Ouais. En tout cas, et au Mali, il y a Hydroma, donc, qui poursuit ses activités d'exploitation du gisement au Mali, mais qui a créé des filiales au Sénégal, en Mauritanie, au Niger, mais aussi au Canada. Okay, donc, il y en a qui sont en activité, là, celle-là, justement, là, au Mali. Là. Oui, c'est ça. Au Mali, c'est toujours en activité. Et apparemment, le flux ne diminue pas. OK, c'est ça. C'est comme ce que vous disiez, là, c'est produit en direct, en continu. Donc, c'est très bien. Mais c'est tout nouveau. On peut se demander ben, à quel point ça peut participer à la transition écologique, ouais. Énergétique, avec les changements climatiques. Bon, ça a l'air intéressant, mais encore... Ouais, là, je me pose beaucoup de questions. Ça m'intrigue un petit peu. Est-ce qu'on court après une chimère? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de solide là-dedans? C'est pour ça que je veux suivre un petit peu ce qui va se passer sur ce sujet-là. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur la formation d'hydrogène sous terre. Aussi sur son accumulation potentielle dans des poches. Est-ce que l'exploitation de ces gisements est économiquement viable ? Il y a certains qui craignent que les gisements soient éventuellement nombreux, mais pas importants, soient éparpillés, que ce soit des soulèvements ici et là, de trop faible amplitude pour être exploitables économiquement. Aussi, comme je l'ai dit là, avec l'exemple de l'hydrogène en France, bah, s'il y a de l'hydrogène, il n'est pas forcément pur, il est mélangé à d'autres gaz, donc il faut le purifier. Ouais. Donc finalement, il y a quand même un coût, un procédé à faire qui va demander de l'énergie, qui va avoir un coût. Ensuite, bah, se pose le problème du transport. Hein. C'est bien d'avoir de l'hydrogène, mais il faut le transporter. C'est explosif. Hein. Puis c'est volumineux. Ouais, oui, tout à fait. Donc il faut le liquéfier. Pour le liquéfier, il faut le refroidir à moins de 253 degrés. Donc, on le fait avec quelle énergie ? Donc, est-ce qu'on le fait avec l'énergie de l'hydrogène qu'on a récupéré du sous-sol ou est-ce qu'on le fait avec une autre énergie ? Donc, après, il faut le transporter. Donc, on va le transporter. Il y a tout un système de transport, de distribution dans des... Ben, des sortes d'hydrogénoducs. Oui, tout à fait. Ouais. Ou par citerne, je ne sais pas. Donc, si on a des gisements au milieu de nulle part, en Sibérie ou dans l'Arctique, ou, est-ce que ça va être rentable d'aller le chercher, de le transporter? Ouais, un genre de pipeline d'hydrogène. Oui. Ouais. Donc, il y a quand même. Donc, c'est bien, mais il faudrait que ce soit produit là où on en a besoin. Puis bah, il y a aussi les conditions de stockage aussi parce que entre le moment où on l'a et le moment où on le transforme en électricité ou en je sais pas en d'autres formes d'énergie, bah, il faut le stocker quelque part. Puis tout ça, bah, à quel coût ? À quel coût on va faire toutes ces opérations là par rapport à la production d'hydrogène qu'on fait en ce moment à partir d'hydrocarbures ou par électrolyse. Il faut qu'il y ait un avantage économique, sinon on ne le fera pas. Puis il faut qu'il y ait un avantage environnemental, sinon on ne le fera pas. Donc ça fait quand même pas mal de questions. Également, on peut se demander bah, qui va investir là-dedans, qui va se lancer. Bon, il y a des fois, il y a des investisseurs clairvoyants qui ont de l'argent à mettre là-dedans, mais on peut aussi se dire qu'il va y avoir un coup de pouce des gouvernements qui vont sentir aussi le truc et qui vont... Bon, est-ce que ça va être subventionné d'une façon ou d'une autre par les gouvernements ? Je ne sais pas. C'est beaucoup de questions que j'ai en tête. Je me demande. Puis finalement, à quel usage sera destiné cet hydrogène ? C'est la même question qu'on se pose avec l'hydrogène qu'on produit par électrolyse ou par les hydrocarbures. Bon, on va le destiner à quel usage ? Mais là, si on a encore plus d'hydrogène, est-ce qu'on va étendre les usages de l'hydrogène ? Est-ce que ça va remplacer une partie des combustibles fossiles ou simplement devenir une source additionnelle d'énergie à notre disposition ? Parce que jusqu'à présent, les éoliennes et les panneaux solaires, ça s'est ajouté, mais ça n'a pas beaucoup contribué à la transition énergétique. Puis on peut même se demander, je pense, en tout cas, si ça ne va pas comme, inciter d'avoir un peu plus d'hydrogène justement avec l'hydrolyse et tout ça. T'sais. Dans le fond, c'est pas comme on a aussi de l'hydrogène naturel, mais que dans le fond, la plupart de l'hydrogène, c'est quand même de l'hydrogène qui vient, qui utilise du pétrole pour l'hydrolyse, là, dans le fond. Exactement. Là. Donc, un genre d'éco-blanchiment en disant on a aussi de l'hydrogène naturel là-dedans. Mais c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, on va peut-être dire aux gens, en tout cas à ceux qui vont s'approvisionner en hydrogène, on a de l'hydrogène naturel, mais en fait, ça va être un pourcentage d'hydrogène naturel aigri, on ne le sait pas trop. Quand on va à l'épicerie, là, je reprends mon exemple de tout à l'heure, le bio, tu sais, on a comme un produit bio puis un produit régulier. Oui, exactement. Et puis, qu'est-ce que je vais dire ? Oui, je suis curieuse aussi de... Puis, on peut se demander aussi si c'est sous prétexte qu'on aurait cet hydrogène naturel, est-ce qu'on ne va pas réduire nos efforts dans les autres pistes, dans les autres solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sous prétexte qu'on aurait cette nouvelle forme, cette nouvelle solution. Ouais. Je suis aussi curieuse de voir comment cet hydrogène va être présenté par les industriels qui vont se lancer dans l'aventure. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont présenter ça comme étant la super solution là, ouais. ou pas? Si les gouvernements s'engagent également, comment ils vont présenter ça aussi? Je ne sais pas. On va voir des milliers d'emplois qui vont arriver, toutes sortes de promesses. Quelles promesses vont accompagner ces annonces? Et puis, c'est ça, s'il est prêt. Puis même par les médias en général, comment est-ce que ça va, ça va être présenté? Il y a beaucoup oui, de questions autour que je me pose. Et c'est pour ça que je veux suivre ce qui va se dire, ce qui va sortir de l'hydrogène. Peut-être aussi que finalement, c'est un pétard mouillé, qu'il ne sortira jamais rien de ces explorations préliminaires. Oui, on ne sait pas. Comme on dit, c'est à suivre. Oui. Et je suis sûr que s'il y a du développement, ben, tu nous tiendras au courant. Hein? Ben, très certainement. je n'y manquerai pas.